Bonjour cher Xavier, bonjour à tous. En cas de catastrophe, en appeler à une transition est-il suffisant? Le mot de transition a sa poésie. On pense aux lieux de transit, aires d'autoroute et halls d'aéroport. Transition, c'est un mot qui s'étire, qui prend son temps et auquel le suffixe apporte presque une coquetterie. Transition, ça ressemble à confiserie. Bref, c'est sans doute le terme le moins adapté aux situations de crise qui demandent d'agir de toute urgence. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables. Et je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Et il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Et nous avons à faire le dernier pas. La France vous demande, la France vous conjure d'adopter le premier accord universel sur le climat de notre histoire. Et tout sera donc mis en œuvre pour accompagner socialement cette transition, pour que l'écologie à la française que nous sommes en train de faire advenir puisse être une écologie populaire. Et notre maison brûle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie, j'espère que vos lits ne sont pas en feu, comme le chante Midnight Oil, hein, Beds Are Burning, après ce mix préparé par Thomas Beau des différentes voix de présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, qui tour à tour en appellent à une action de toute urgence pour changer l'écologie et l'ordre des choses. Force est de constater que cette urgence n'a pas été suivie, enfin cet appel n'a pas été suivi d'actes concrets. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour. Est-ce que la faute ne revient pas aussi à cette expression de transition écologique qui vraiment n'engage pas à l'action? Enfin, ça n'engage que moi. Oui, mais en fait, la façon dont on l'interprète renvoie tout à fait à ce que vous dites. Et effectivement, on transite dans un aéroport, ça n'est en général pas sous menace d'apocalypse. Mais c'est assez curieux parce que le personnage Rob Hopkins qui va imposer en fait cette expression de transition le fait justement à partir d'un diagnostic qui lui apparaissait assez dramatique. Alors qui est Rob Hopkins? Alors Rob Hopkins, c'est un Anglais spécialiste de permaculture vivant du côté de Totnes et qui en 2008 fonde justement le réseau hein, international des transitionneurs si l'on veut. Et à l'époque, pour lui, il y avait vraiment deux menaces tout à fait connexes. L'une était le pic pétrolier, il s'attendait à ce que ça arrive très très vite. Alors pour le pétrole conventionnel entre nous, c'est arrivé, mais il comptait pas sur le non conventionnel. Et puis le climat, hein, évidemment, les deux étant connexes. Donc dans son esprit, il y avait une urgence en 2008 lorsqu'il crée ce réseau de transition. Or effectivement, en tout cas, au moins en français, le mot, sa dénotation, ses connotations font plutôt appel à un passage relativement lent, serein, d'un état à un autre. Ça suppose que l'on dispose de temps, de moyens, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Nous sommes dans une urgence absolue. Et là, ça vaut peut-être le coup de le dire. L'idée de cette urgence, elle est en fait très très récente. Si vous regardez la manière dont le GIEC, l'IPCC, a communiqué jusqu'au rapport d'octobre 2018 sur la cible des 1,5 et des 2 degrés, c'était toujours en nous indiquant quel serait le niveau de température à la fin du siècle. Mmh. Pour se mobiliser pour aujourd'hui, c'était pas tout à fait génial. Et en fait, la communauté des scientifiques elle-même, eh bien, elle change dans la première décennie des années 2000. Parce que durant cette première décennie, on comprend que, si vous voulez, l'impact du changement de la composition chimique de l'atmosphère, le fait qu'on y introduise de plus en plus de molécules de dioxyde de carbone, notamment, eh bien, la durée théorique d'une de ces molécules, c'est entre un siècle et demi. Donc, on se disait qu'on aurait un très mauvais passage, mais que ça s'améliorait après. Et ensuite, on a fini par comprendre que, eh bien, en fait, non, c'est un bouleversement au très long cours du cycle du carbone. Alors, je donne simplement deux indications. La première, dans 10 000 ans, vous aurez sans doute encore 35% du carbone que l'on aura émis d'ici, j'espère, pas bien au-delà de la moitié de ce siècle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la température, on va atteindre une certaine cible à la fin du siècle. Elle va continuer, quoi qu'il arrive, à monter au siècle suivant. Elle va atteindre un certain niveau et s'y maintenir pendant à peu près plusieurs milliers d'années, mais probablement quelque chose comme 5000 ans. Donc vous voyez que là, on n'est pas du tout dans l'immédiat, en quelque sorte, et dans quelque chose de court. On touche un des paramètres fondamentaux de la vie sur Terre. Et si vous regardez les effets de tout ceci en termes de vivant, hein, par exemple, quand on a connu 5 grandes extinctions de la vie sur cette planète avant celle en cours, le temps de reconstitution d'une diversité biologique analogue, c'est 5 à 10 millions d'années. Donc ce qu'on est en train de faire là affecte le système Terre pour une durée très longue. Mais attendez. D'ailleurs, vous venez de le dire, ce que nous sommes en train de faire, c'est ça qui a changé aussi. Oui, mais alors attendez. Qui implique que nous soyons responsables. Oui, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on se disait, ok, aussi bien pour la vie d'ailleurs que pour le climat, ok, on a le temps. Et puis, avec le rapport de 2018, enfin, ce qui était dans la tête des scientifiques du climat a fini par rentrer dans la tête de monsieur et madame tout le monde. Et on le disait depuis longtemps. Ça veut dire, si on veut réduire nos émissions en gros de moitié d'ici 2030, ça veut dire qu'on doit stabiliser en 2020, donc demain. Et que, à partir de 2021, on doit, en gros, diminuer nos émissions de 4% par an. On n'est pas du tout. Non, alors, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça veut dire, si vous voulez, que si on voulait vraiment prendre ça au sérieux, effectivement, la maison brûle, il faut tout de suite faire partir les camions de pompiers. Alors là, pas du tout, on n'y pense pas. Donc c'est ça un petit peu, si vous voulez, le paradoxe. Et pour le vivant, c'est pareil, on se disait une extinction massive d'espèces, c'est quand vous avez dans un pas de temps très long, 75% des espèces qui disparaissent, on n'en est pas là. Mais en fait, avant, c'est précédé par un effondrement des populations. Mmh. Et là, on constate un véritable effondrement des populations de vivants sauvages autour de nous. Donc là aussi, il y a une urgence. Et ça commence à passer dans la tête des gens. On va essayer de comprendre pourquoi ça fait si peu de temps, alors que peut-être les signaux étaient déjà clignotants depuis bien longtemps. Vous, Dominique Bourg, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne, directeur de la publication de la revue en ligne lapensée-écologique.com, et vous avez publié plusieurs ouvrages qui portent tous sur l'écologie. Ça veut dire que cette prise de conscience de votre part s'est faite très tôt ? Ah oui, alors elle s'est faite franchement très très tôt, mais cela dit, comme tout le monde, si vous m'aviez interrogé dans les années 90, j'étais d'un optimisme absolument forcené. Voilà, alors c'est ça qui est quand même fascinant, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autour des années 2000, quelque chose a basculé? Des ouvrages ont commencé à être écrits, parce que c'est beaucoup venu du milieu intellectuel, qu'il soit scientifique ou philosophique. Et puis peu à peu, mais alors encore 10 ans, voire 15 ans après, ça a fini par arriver aux oreilles de tout le monde. Bien, si vous voulez, dans les années 90... d'une part, on constate qu'il y a déjà un petit décrochage, un petit découplage dans nos activités industrielles. C'est-à-dire, par point de PIB, on émet moins de CO2. Par point de PIB, on commence à avoir besoin d'un peu moins de ressources, etc. Donc, c'est l'idée de développement durable. On pense qu'il va y avoir un certain découplage. On a une confiance assez niaise dans nos technologies. Et effectivement, moi, je suis parti, la fleur au fusil, c'est génial, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Et puis, écoutez, à partir du moment où on observe un peu ce qui se passe autour de vous, ben, il y a un moment donné, on voit que rien ne baisse, rien ne s'arrange, que les dégradations continuent. Ben non, on ne le voit pas, justement, ça le problème. C'est qu'à l'œil nu, c'est pas observable. Il faut avoir accès à des ressources, à certaines paroles, pour comprendre qu'il y a un problème. Alors, attendez, ça, c'est juste, disons, grosso modo, on est obligé d'un peu caricaturer, mais je vais vous démontrer ce qu'il y a derrière. En gros, c'est juste jusqu'à l'été 2018. Ça a changé cet été ? Non, ça a changé l'été dernier. Ouais. Tout simplement parce que quand vous aviez une canicule auparavant, elle était toujours très localisée. 2003, c'est une partie de l'Europe, c'est l'ouest de l'Europe. 2010, c'est une partie de la Russie. 2007, une partie de l'Australie, etc. Toutes les canicules étaient toujours très très localisées. 2018, c'est un été où vous avez des vagues de chaleur et de sécheresse dans tout l'hémisphère nord. Et de rechef, 2019. Et donc effectivement, à Paris, vous avez eu fin juillet dernier, jusqu'à une température de 42 degrés 6 dixièmes. Fin juin, dans le sud de la France, un petit village de l'Hérault, vous avez eu jusqu'à 46 degrés, avec des feuilles et des fruits de la vigne qui ont grillé sur place. Ça commence à être assez bizarre. Si vous habitiez les lieux, là où je passe mes vacances, vous verriez bien, tous les habitants vous le diront, non, les tempêtes, elles sont beaucoup plus fréquentes, etc. Et on connaît des températures qu'on n'a jamais connues, etc., etc. Maintenant, les gens commencent à voir, alors c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a une augmentation moyenne de la température qui a atteint 1 degré, on va rentrer dans le deuxième degré, et durant ce qu'on appelle l'Holocène, en gros les 12 000 ans qui nous précèdent, eh bien la température, en moyenne, j'entends bien, évidemment, elle n'a jamais dépassé ce 1 degré. Donc on rentre dans autre chose. Et ça commence à se voir et à se sentir. Toute la question est de savoir dans quelle mesure nous pouvons mesurer la responsabilité humaine dans ce changement climatique. Vous avez prononcé le terme d'anthropocène. Il faut qu'on le prenne au sérieux et qu'on le définisse. Et pour cela, je vous propose d'écouter un texte de Buffon qui date de 1778. Mais oui, c'est grâce à ce texte de Buffon. Alors vous allez entendre l'optimisme avec lequel il célèbre l'intervention humaine dans la nature. Et on verra ensuite comment les choses ont bien changé. C'est un texte lu par Vincent Schmitt. Ce n'est que depuis environ 30 siècles que la puissance de l'homme s'est réunie à celle de la nature et s'est étendue sur la plus grande partie de la terre. Les trésors de sa fécondité jusqu'alors étaient enfouis, l'homme les a mis au grand jour. Ses autres richesses, encore plus profondément enterrées, n'ont pu se dérober à ses recherches et sont devenues le prix de ses travaux. Par son intelligence, les animaux ont été apprivoisés, subjugués, domptés, réduits à lui obéir à jamais. Par ses travaux, les marais ont été desséchés, les fleuves contenus, leurs cataractes effacées, les forêts éclaircies, les landes cultivées. Par sa réflexion, les temps ont été comptés, les espaces mesurés, les mouvements célestes reconnus, combinés, représentés. Le ciel et la terre comparés, l'univers agrandi. Enfin, la face entière de la terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme, laquelle, quoique subordonnée à celle de la nature, souvent a fait plus qu'elle, ou du moins l'a si merveilleusement secondée, que c'est à l'aide de nos mains qu'elle s'est développée dans toute son étendue, et qu'elle est arrivée par degrés au point de perfection et de magnificence où nous la voyons aujourd'hui. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de transition cette semaine et de transition écologique aujourd'hui, après avoir évoqué la transition sexuelle hier, et on parlera de transition politique, d'adaptation politique demain, et de la transition chez le philosophe Henri Bergson jeudi. Aujourd'hui donc en compagnie de Dominique Bourg, et nous venons d'entendre un texte de Buffon. Buffon donc 1778, un des volumes de l'histoire naturelle générale et particulière. Vous avez remarqué le vocabulaire, puissance, perfection, subjugation. On célèbre l'intervention de l'homme qui date à environ 30 siècles, dit-il. Oui, alors si vous voulez, ce texte est magnifique, déjà première chose, mais on est dans une idée très classique. Vous la retrouvez chez l'apôtre Paul, vous la retrouvez chez Cicéron. Alors chez Paul, c'est l'idée d'une humanité coopérateur Dei, qui va coopérer à l'œuvre de Dieu. Donc l'expression de la puissance de l'homme est en continuité avec la nature. Elle n'est pas du tout en rupture. Vous avez ça dans l'école des Victorins au Moyen-Âge avec Richard, Hugues de Saint-Victor, etc. où effectivement, c'est la jonction qu'ils font entre le philosophe et le paysan. Et en fait, eh bien, l'homme, par sa maîtrise du milieu, essentiellement au travers de l'agriculture, parachève la nature. On a cette même idée, et vous l'avez avec Descartes, on en reparlera tout à l'heure, mais comme maître et possesseur de la nature, ça ne veut pas dire on va tout dézinguer, absolument pas. C'est-à-dire on poursuit, on parachève l'œuvre du Créateur. Et donc l'action humaine s'inscrit en continuité avec la nature. Ça, c'est l'idée classique et qui date d'avant la modernité, en quelque sorte. Et en fait, ce dont on va prendre conscience au XIXe siècle, ben non, c'est qu'on n'est pas en continuité. On s'inscrit en opposition, en rupture, et on mettra des décennies à l'accepter. Et effectivement, on peut, de là, si vous voulez, arriver à l'idée d'anthropocène. Anthropocène qui signifie, en fait, que les humains sont devenus la principale force de changement de la planète, en fait. Oui, alors, anthropocène, ça voudrait dire une période géologique dont on saurait à partir de quand elle commence. Le consensus se fait sur l'idée que ça commence avec ce qu'on appelle la grande accélération et puis la bombe à hydrogène. Donc, c'est le moment à partir duquel, effectivement, les activités humaines d'un côté et la démographie humaine, c'est pas une raison pour donner raison à Sarkozy tout à l'heure, vont exploser. Et effectivement, l'ordre de grandeur de l'impact humain vis-à-vis du système Terre change. On change d'ordre de grandeur. Et effectivement, de ce fait, l'humanité devient, pour un temps, c'est ça, je n'ai jamais oublié ça, pour un temps, une force géologique. Mais en devenant une force géologique... Ça veut dire quoi, une force géologique? Eh bien, ça veut dire que l'humanité va être le principal déterminant pendant un certain temps de l'état apparent du système Terre. C'est-à-dire qu'on va influer sur le climat, on va y réduire la vie, etc. On désigne tout ce qui est autour de nous. Donc, nous façonnons la vie à la surface de la Terre, y compris son système climatique. Mais ça, ça n'a qu'un temps. Ce faisant, on finit par déclencher des forces qui alors, et ça commence aujourd'hui, très probablement vont complètement nous submerger et nous mettre au tapis. Mais donc, ce temps, attention. Vous le mesurez à combien? Buffon parle de 30 siècles. On peut parler de 30 siècles ou en fait de 50 ans? Non, ça c'est très très précis. Si vous voulez, la période géologique qui commencerait avec ce qu'on appelle l'Anthropocène, je vous le redis, ça commencerait à compter du début des années 50, eh bien elle viendrait mettre fin à une période géologique sur laquelle les géologues n'ont fini par s'entendre qu'en 2009. D'où leur difficulté d'accepter aujourd'hui l'Anthropocène. Eh bien, cette période, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. Hein, et l'Holocène a si on part de 1950, quoi, aurait commencé, enfin, 11 700 ans avant. C'est quand vous avez vraiment la fin, après un rebond comme le Dryas récent, vous avez la fin du précédent âge glaciaire. C'est-à-dire le froid, même sous une forme plus modérée, ne revient plus. Et cette période-là, elle dure 11 700 ans. Mmh. Et c'est dans cette période-là que vont se développer l'agriculture et que les civilisations au sens traditionnel vont prendre leur essor. Et cette période, elle est caractérisée par, si vous voulez, un calme relatif en termes de climat et de système Terre. Je dis bien relatif. Cela dit, vous avez des épisodes qui sont très violents. Vous avez un épisode qui a été assez violent et qui va mettre à mal l'Empire romain, c'est la peste cyprienne au milieu du 3e siècle. Vous avez au 6e siècle la peste justinienne. Là, apparemment, d'après les dernières études, on est très très proche de ce qui s'est passé avec la peste noire. La peste noire, vous en souvenez, elle va toucher la partie ouest de l'Europe entre 1347 et 1349, et elle va atteindre une population qui, du fait justement du petit âge glaciaire, ça je vais vous le redire après, alors qui est très sensible dans cette partie ouest de l'Europe à partir de 1330, quelque chose comme ça, et donc pendant une vingtaine d'années, vous avez des populations qui sont malnutries, et quand la peste arrive, elle fait un ravage. Mmh. Et en fait, que ce soit la peste justinienne ou que ce soit la peste noire, c'est probablement entre un tiers et la moitié de l'humanité qui a passé l'arme à gauche. Et dans les deux cas, comme pour la peste cyprienne, c'est marqué par des écarts de température, mais on reste dans une température moyenne qui ne varie pas au-delà des 1 degré. Mais par exemple, la peste justinienne, la température sur place, elle va être réduite pratiquement de 3 degrés, ce qui est quand même en moyenne, si vous voulez, sur l'Europe, par exemple. Sur l'Europe seulement, pas en moyenne planétaire. Et donc, les effets sont dévastateurs. C'est quand même une période relativement calme, mais dans ce calme, il y a des accès de fièvre, si j'ose dire, sauf que plutôt c'est la température qui diminue et qui devient extrêmement favorable à des attaques de germes, d'où la peste, etc. Donc, l'Holocène est une période relativement calme. Je viens de vous faire comprendre pourquoi c'était tout à fait relatif. Hein, je vous ai rappelé quelques épisodes historiques. Et là, je vous rappelle que la température moyenne sur Terre a, depuis la fin du 19e siècle, augmenté d'un degré. Vous avez deux dixième de degré, ça va de la fin du 19e jusqu'au début des années 50, enfin au seuil plutôt des années 50, vous avez un plateau qui dure pratiquement 30 ans, et la température repart à la hausse avec 2/10 de hausse par décade depuis, grosso modo, la fin des années 70, début des années 80. Et là, on a pris 8/10, ce qui est énorme. Et donc là, maintenant, on va entrer, si vous voulez, dans une hausse de la température qui nous fait sortir de la variabilité de l'Holocène. Là, la température va augmenter de plus d'un degré en moyenne. Elle aura probablement augmenté d'un degré cinq, peut-être déjà en 2030, et de degrés peut-être à partir de 2040, 2050, 2060. Là, donc là, on commence à rentrer dans quelque chose qui va, passer mon expression, mais vraiment tabasser. Mmh. Et donc, ce début de perception des difficultés par les sens, il va ne faire que se renforcer dans les années et les décennies qui vont s'écouler. Ce qui vient de faire qu'accroître l'attention que tout un chacun peut porter à ce sujet. Je dois vous dire que d'avoir choisi comme sujet de travail le climat et l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui va sortir du radar dans l'immédiat. Reste à savoir quels sont les meilleurs moyens d'alerter la population sur l'urgence de passer à l'action. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small Beaucoup disent que la Suède n'est qu'un petit pays et que ce que nous faisons n'a pas d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence et que si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions. Mais pour tout ça, nous devons parler clairement, même si ça peut être désagréable. Vous parlez de croissance économique verte et durable, parce que vous avez peur d'être impopulaire. On va revenir, Dominique Bourin, à l'importance des termes choisis pour parler de l'urgence, parce qu'on a vu que celui de transition n'était pas adapté. Y en a-t-il de meilleurs? Est-ce que urgence suffit? Et ce sera l'occasion d'insister sur l'importance sémantique pour en appeler à l'action. Avant ça, puisqu'on parlait justement de ces manières d'alerter les citoyens quant à l'urgence de l'action, indépendamment de ce qu'ils peuvent voir ou ressentir avec les chaleurs accrues, ce que vous nous racontiez. Difficile de parler d'écologie aujourd'hui en ce moment sans évoquer Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui a décidé de se rendre en voilier à New York, la prochaine réunion du climat. Ici, alors, on a entendu quelques mots de sa bouche mixés avec la musique de Wagner, qui est la BO en fait de Mélancolia qui annonce la fin du monde pour essayer de voir cette espèce de contraste. Le phénomène Greta Thunberg est devenu un phénomène en elle-même en fait, c'est-à-dire qu'on parle de la personne plus que de l'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis plutôt un fan, je suis désolé de devoir vous le dire ici. Et ce qui est assez curieux, il y a deux choses. La première chose qui est assez curieuse, c'est que, en fait, qui défend Greta Thunberg? En général, la communauté scientifique. Moi-même, j'ai co-signé une lettre publiée dans la revue Science, ça devait être en mai ou en juin, avec des scientifiques du climat. Encore récemment, vous avez un texte en appui de l'action de Greta dans Nature. Et qui critique Greta? Laurent Alexandre, enfin des clowns, je suis vraiment désolé. Et donc, c'est assez drôle. Mais moi, le contraire, je dirais le suivant, c'est que vous avez une enfant, parce que quand elle intervient il y a un an maintenant, c'était vraiment une enfant à Varsovie, je crois. Eh bien, vous avez une enfant qui alerte et vous avez un président Trump qui est un immature total, un crétin, mais en plus un immature, et vous avez quelqu'un comme Bolsonaro, puis vous les ajoutez aujourd'hui, depuis quelques années, sur la scène internationale. Je dirais que, si vous voulez, l'importance de Greta, le sens historique de cette gamine, finalement. C'est le contraste, et ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Vous avez à des postes, on attend des sages, des crétins, immatures, et vous avez une enfant qui, elle, alerte sur les dangers pour l'humanité. Ça en dit long sur l'époque dans laquelle nous sommes, et ça en dit long sur ceux qui ont quasiment maintenant pour profession de lui porter la critique. Bah, ça en dit long surtout sur la crise politique. Ah ben ça veut dire qu'on est gouverné par des crétins, je suis vraiment désolé. Mais ça veut dire que la politique se trouve pas forcément là où l'on croit, mais ça en dit long aussi sur les ambivalences de l'incarnation d'une cause quelle qu'elle soit, alors que ce soit en politique ou là c'est dans le domaine écologique, même si c'est une dimension politique. On parle de Greta Thunberg comme on parle de représentants politiques, vous avez raison de le dire, mais du coup elle cristallise toutes les tensions, on parle plus d'elle que des causes. Est-ce que vraiment, vous dites qu'elle a l'approbation des scientifiques, mais est-ce que c'est ce genre de choses qui permettent d'inviter à l'action, qui permettent de faire prendre conscience du problème? Mais si vous voulez, si nous étions gouvernés par des sages, jamais nous n'aurions parlé de Greta Thunberg. Non mais politique ou Greta Thunberg, peu importe, en fait, quand c'est une personne qui l'incarne, est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas, mais l'humanité a toujours fonctionné comme ça. Si vous voulez, Greta Thunberg, c'est une espèce de Jeanne d'Arc. Je suis désolé, j'ai des références un peu franchouillardes, mais bon, c'est une espèce de Jeanne d'Arc du climat. C'est pas très suédois, voilà, c'est pas très suédois, Mais bon. Et voilà. Et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, du coup, dire que, en fait, elle fait écran et que, par sa personnalité, elle empêche le message de passer, non, ça, c'est pas très sérieux. En fait, ce qui est très important, c'est que, effectivement, elle a été à l'origine d'une mobilisation. Déjà, moi, j'habite Lausanne. Je vais vous dire que, à Lausanne, au mois de janvier, vous avez eu 9000, alors, comme on dit là-bas, et dans le canton de Vaud, gymnasiennes et gymnasiens dans la rue. Non, mais vous imaginez, en Suisse! Moi, j'habite depuis 13 ans à Lausanne. Je n'ai que très rarement vu des manifestations. Et quand j'en voyais, je voyais plutôt des policiers que des manifestants. Et là, c'est carrément 8 à 9000 gamines et gamins dans la rue. Attention, c'est pas toute une classe d'âge, C'est la partie la plus cultivée d'une classe d'âge. Ils ont vraiment un désir de savoir. Ils ont le souci dans ce qu'ils disent sur le climat de ne pas se distancier de la donne scientifique. C'est quand même assez intéressant quand on voit ce que font nos amis les politiques. Justement, je pose la question politique et j'ai abordé à dessein le cas Greta Thunberg parce que vous êtes engagé en politique, Dominique Bourg, il n'y a pas si longtemps. Oui, alors c'était one shot, j'avais prévenu et c'est fini. Pour quel parti? Alors, c'était pas un parti, c'était un mouvement qui s'appelle Urgence Écologie et je me suis engagé là parce que justement il fallait faire passer le message de l'urgence et pour faire passer le message de l'urgence, je suis désolé, mais il fallait un peu une figure d'expert. C'était vous. C'était moi. Vous étiez le Greta Thunberg de la de votre mouvement. Malgré ma crinière blanche, j'ai bien voulu jouer le rôle de Greta, mais c'est fini. Moi, je reviens. Et pourquoi c'est fini? C'est fini parce que moi, je n'ai pas vocation à être un homme politique. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon rôle. J'ai été incapable de dire à qui que ce soit de voter pour moi. J'étais capable de dire aux gens ne votez pas pour moi parce que ça serait une catastrophe si jamais j'étais élu. Pour moi-même, j'entends bien. Donc non, il fallait faire passer un message. Je crois que je l'ai fait correctement passer. Ça a eu des effets. Ça a eu des effets par rapport au vert, ça a eu d'autres formes d'effets. Enfin, beaucoup de gens ont repris ce message de l'urgence. Alors, il s'agirait de faire un peu autre chose que de simplement le reprendre. Mais voilà, j'ai fait mon boulot, mon job, à un moment donné. Bah, c'est toute la question. Est-ce que vous pensez que vous allez davantage changer les choses? J'imagine que c'est quand même ce que vous avez envie de faire. Oui, bien sûr. En écrivant des livres et en philosophant qu'en faisant de la politique? C'est la vraie question. Absolument, mais je suis persuadé que oui, tout simplement parce que je n'ai pas le talent qu'il faut pour devenir un homme politique. Pas de nature, de discipline. Non, je pense qu'on peut avoir été philosophe et abandonner sa discipline. C'est d'autres l'ont fait. Vous avez déjà remarqué ça. Bon, moi, ce n'est pas absolument pas ce que je veux faire. Je veux exercer ma fonction de philosophe et en l'occurrence un peu aussi de lanceur d'alerte, de philosophe qui lit beaucoup les sciences. Philosophe lanceur d'alerte. De philosophe lanceur d'alerte. Alors en l'occurrence, je ne bande pas mon rôle à ça, mais en l'occurrence, effectivement, c'est le mien et je pense que je suis beaucoup plus utile de ce côté-là qu'en étant au devant de la scène sur le plan politique, où il convient d'avoir des qualités, une forme de charisme que je n'ai pas et que je ne désire pas avoir non plus, c'est pas mon job, c'est tout. Oh, si la philosophie, c'est entre autres l'affaire de définir les termes qu'on emploie et de préciser les expressions qui sont employées pour voir si elles sont pertinentes, alors dans ce cas, ça fait bien longtemps que les philosophes essayent de le faire, et parfois à bon escient, parfois à mauvais escient. On va remonter un peu dans l'histoire et je vous propose d'écouter la voix d'André Gortz, c'était en 1991. Ah, oui. Une approche écologique n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie, un supplément de production industrielle à celle qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être. Le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer, pas seulement de technique, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Vous allez nous expliquer ces propos, Dominique Bourg. Hein, la phrase qu'on peut retenir, oui. C'est le lien entre plus et mieux est rompu. C'est exactement ça, changement de paradigme. Qui était André Gortz? Alors, André Gortz, c'est un personnage très particulier qui demande la nationalité française en 1940. Il faut quand même le faire. Et puis, évidemment, qu'il va finir par l'obtenir. Qui va vivre avec une carrière de journaliste, mais qui est un philosophe vraiment important. Pas simplement un philosophe, on le sait pas, mais dans ses archives, on a retrouvé un roman qu'il n'a jamais voulu publier, par respect pour Sartre. C'est assez curieux, c'est dommage. J'espère que quand même, peut-être qu'un jour, ce texte, je l'ai vu en papier toujours mis, mais je n'ai pas pu le lire, qu'il sera un jour publié. Et ça fait partie vraiment des grands noms, disons, de ce qu'on appelle l'écologie politique à la française. Hein, c'est-à-dire que, et là, il vient de le dire très, très, très clairement, si vous voulez, pour André Gortz, et c'est très différent de ce qui va se passer dans la tradition anglo-saxonne. Le problème n'est pas celui de la nature. Le problème est celui de l'humanité et celui des rapports sociaux. Et effectivement, ce qu'il dit dans ce passage, 91, c'est l'époque où il est en train d'écrire, où il va publier un de ses plus beaux articles qui s'appelle « Expertocratie et limite », quelque chose comme ça, qu'on a republié au PUF sous le titre « L'éloge du suffisant ». On a republié ce texte-là avec un très joli commentaire de Christophe Gillian. Et donc, c'est vraiment là, on est au cœur du Gortz de l'écologie politique. Et effectivement, lui a vu plus tôt, le premier à l'avoir vu, c'est un économiste américain qui s'appelle Richard Esterlin, qui effectivement a compté du début des années 70, ce qui a été vrai durant les Trente Glorieuses, à savoir une connexion assez serrée entre l'augmentation du PIB et l'augmentation du sentiment de bien-être, eh bien cette connexion se défait. Voilà, là c'est le système économique qu'il met en question. C'est complètement 91. Le système économique, c'est-à-dire que... Et on continue à vivre sur cette erreur. On continue à croire que la croissance du PIB augmente le bien-être, procure le plein emploi et réduit les inégalités. Ça devient un gag aujourd'hui. C'est très bien que sur chacun de ces points, c'est l'inverse qui se produit. Lui est un des premiers à le voir. Il redit là, mais il l'avait dit déjà avant. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. là, on a, si vous voulez, à un certain niveau, une forme de génie. C'est-à-dire que des gens qui voient avec une acuité, d'une façon extrêmement perçante, des choses que le grand nombre ne voit pas. Et les voit avant tout le monde. Et donc là, avec Gorz, on est tout à fait dans ce cas-là, quoi. Et effectivement, le fait est, c'est qu'il convient de sortir de ce qu'il appelle le capitalisme, ouais, etc. Bon. Et de changer, comme il dit, de paradigme. Et en fait, l'écologie est presque comme une sorte de prétexte qui va nous contraindre de repenser les relations que les hommes nouent les uns avec les autres, à condition qu'on ne se perde pas et qu'on ne s'enferme pas dans les illusions techniques. C'est ça quand même le point crucial. On en a dit deux mots, ouais, quand on parlait, commentait la phrase de Descartes et quand vous nous présentiez le rapport, oui, de l'homme à la nature qui pendant longtemps s'est lui-même pris comme un créateur. La technique a longtemps été source de beaucoup d'optimisme et était ce qui était censé nous apporter un rapport de domination mais aussi donc de contrôle, donc de sérénité avec la nature. C'est, oui, un peu le sens du texte de Buffon. Et puis le XXe siècle est passé par là, Merleau-Ponty, Heidegger notamment, qui ont émis les réserves. Voilà. Comment est-ce que ce discours est audible aujourd'hui? Nous vivons dans un monde pas simplement technique, mais technologique. Nous ne pouvons pas survivre sans technologie, si j'exagère un peu, mais c'est pas d'ailleurs pas tellement une exagération. Oui, mais comment est-ce qu'on adapte ces réticences à la réalité, en fait? Tout à fait, mais première chose déjà, si vous voulez critiquer les techniques, ça n'est pas dire qu'on peut se passer de technique. Il n'y a pas d'humanité sans technique. Autrefois, j'avais publié un livre qui s'appelait « L'homme artifice », c'était vraiment la thèse. Il n'y a pas d'humanité sans technique. En revanche, à compter de la modernité, Descartes, Bacon, ce qu'on commence à attendre des techniques n'a rien à voir avec ce qu'un Platon, un Aristote ou encore les médiévaux pouvaient dire. Vous vous souvenez, chez Platon, les techniques, ce sont les arts utiles à la vie. En fait, les techniques permettent d'aménager une certaine forme de confort, en tout cas au moins pour les élites. Hein, pour les esclaves, c'était sans doute moins évident. Bon, mais ça, c'est la conception classique des techniques. À partir de l'époque moderne, ça, et chez Descartes on le voit, c'est déjà plus du tout ça. En fait, on attend des techniques avec Descartes qu'elles puissent carrément, et chez Bacon c'est encore plus évident, qu'elles puissent transmuter la condition humaine, la changer du tout au tout, y compris en éloignant, voire en surmontant, explicite chez Descartes, explicite chez Bacon, la mort et la mortalité. Et là, vous pensez au fameux texte de Descartes? Alors, je pense plus ambigu dans ce texte-là. Oui, mais je pense aussi à un texte de Bacon, surtout, et qui a été publié post-mortem, hein, où Bacon fait vraiment le lien avec ce qu'on appelle le pélagianisme. C'est-à-dire, vous vous souvenez, le moine Pélage, contemporain d'Augustin. Pour Augustin, bon, évidemment, les hommes ne peuvent pas faire le bien. Non seulement la volonté, mais l'intelligence humaine a été viciée par la faute. Pour Pélage, non, si on fait des bêtises, c'est en fait par inertie, mais nous avons en nous-mêmes les ressources pour pouvoir faire le bien, et d'une part, et d'autre part, notre intelligence n'a pas été viciée par la chute. Bacon reprend ça, et il dit en toutes lettres que la science moderne va nous permettre, enfin la science naissante à l'époque, va nous permettre de retrouver l'état qui était le nôtre avant la chute. Et qu'on va donc pouvoir, et vous avez ça dans les fameuses Maniela Naturae, hein, où là il y a une espèce de florilège de techniques que l'on va découvrir. Et pour Bacon, c'est fondamental. Et comme vous le savez, il y a une société des Amis de Bacon auxquelles tous les grands ingénieurs du 17e, du 18e et encore du 19e ont adhéré. Et en fait, ça, c'est un des ressorts fondamentaux de la modernité. Les techniques, c'est pas que le confort, c'est ce qui va transformer la vie humaine. C'est ce qu'on trouve aussi dans la Nouvelle Atlantide, hein, donc 1627. Alors, tout à fait, la Nouvelle Atlantide. Il le dit, notre fondation a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Possible, absolument. Ensuite, l'énonciation de toutes les choses qu'il peut faire, comme voler, comme des oiseaux, etc. Tout à fait. Mais ça, c'est présent chez Bacon, pas chez Descartes. Alors, chez Descartes... Descartes, il le dit bien, c'est en vue du bien général de tous les hommes. Il dit pas, on va changer la nature humaine. Alors, Descartes, il y a une espèce d'accès de fièvre baconienne dans la sixième partie du discours de la méthode, mais il s'en guérit assez vite. Et il y a une différence métaphysique fondamentale, mais on trouve aussi ça un petit peu différemment, évidemment, chez Bacon. Mais le fameux « comme maître et possesseur », il est très important. Derrière, il y a les fameuses vérités éternelles, et en fait, il n'y a pas de commensurabilité entre l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Et ça, c'est fondamental. Donc, comme maître et possesseur, c'est comme les êtres humains ne peuvent en aucun cas être possesseurs de la nature parce qu'ils sont incapables d'accéder aux déterminants de la nature. leur intelligence leur interdit. Alors que chez Galilée, c'est l'inverse. Mmh. La différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence divine, comme le dit Galilée, là où nous savons, mathématiquement parlant, nous savons aussi bien que Dieu sait lui-même. Alors que pour Descartes, 2 plus 2 font 4, c'est une création. Dieu aurait pu en décider autrement. Donc nous, nous sommes obligés de nous fonder sur une convention divine, alors qu'au contraire, pour Galilée, et en fait pour pratiquement tous les autres modernes, peut-être en dehors de Kant, eh bien effectivement, il y a une espèce de commensurabilité entre ouais. l'esprit humain et l'esprit divin. D'où le lien entre la volonté de maîtrise et l'appel à une productivité accrue qu'on retrouve chez les auteurs du 18e et du 19e. Oui, également. Tout à fait. Mais alors, cela dit, encore une fois, le comme chez Descartes introduit quand même une différence énorme. Alors, effectivement, il pense quand même à un moment donné qu'avec la médecine qu'on peut tirer de la physique, on pourrait quand même surmonter la mort. C'est là où je parle de fièvre baconienne. Mais c'est juste à ce moment-là. Ça ne revient jamais après dans l'œuvre. Et en fait, c'est contradictoire avec sa propre métaphysique. Donc, c'est complètement différent. Mais là, c'est pas chez Descartes qu'on a vraiment le ressort de la modernité, c'est plutôt chez Bacon. Bacon, et ensuite les philosophes qui lui succéderont et ceux qui le lisent et qui y voient une espèce d'idéal à atteindre, y compris chez les philosophes les plus engagés et même les plus politiques. C'est comme si, en fait, cette transition entre l'appel à la maîtrise qui devrait conduire à la surpuissance humaine et le développement de l'économie au XXIe siècle, en fait, était lié de manière directe. Tout à fait. Effectivement, ce qui est très important, et ça se décide déjà avec la bombe atomique, Günther Anders, etc. Et en fait, comme le dit Hans Jonas, ce qui se passe, c'est que la menace militaire, ce n'est pas la seule. La vraie menace et la plus importante, dit Hans Jonas, ce sont nos consommations. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça le fond de la portée philosophique, c'est qu'elle vient mettre... Enfin, ce qui nous arrive aujourd'hui met fin à la saga occidentale du progrès. C'est pas la Jérusalem céleste descendant sur terre qui nous attend, mais au contraire, c'est l'Anthropocène, dans le versant que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, une dégradation pour un temps très long de l'habitabilité de la Terre par l'espèce humaine et par les autres espèces. C'est au rebours total de ce que la modernité nous a enseigné. Donc c'est la notion même de progrès qui change là. Ah ben, complètement. Si vous voulez, faut bien faire la différence justement entre des progrès au sens circonscrit, partiel, et puis la grande idée occidentale de progrès, c'est-à-dire le fait que l'humanité en tant que telle allait avancer de façon quasi nécessaire par l'addition de progrès scientifiques qui débouchaient sur des progrès techniques et industriels, sur une amélioration générale de la condition humaine, censée aboutir au moment de la reconnaissance absolue à la Hegel, à la réalisation du communisme avec Marx, c'est-à-dire une espèce d'apaisement final et de réalisation absolue de l'humanité. Au lieu de quoi, on constate rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire même la destruction programmée aujourd'hui, notre situation elle est tragique. Hein. On sait très bien quelle est la fin de la pièce, on sait ce qui va se passer entre Oedipe, son papa et sa maman, et on nous le dit sans arrêt, mais on y va. Et ça, c'est au rebours de tout l'enseignement de la modernité. Qu'est-ce qui s'est passé? Excellente question. Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai essayé de répondre dans le livre appelé « Nouvelle Terre ». Et c'est ce que précisément j'appelle spiritualité, mais bon, c'est peut-être pas développer ça. Spiritualité. Maintenant. Ah si, au contraire, allez-y. Bon. Écoutez, moi, j'essaie de redonner un sens nouveau à ce mot et à lui donner deux sens différents. Au mot de spiritualité. Et vous n'avez pas besoin de croire en Dieu ou je ne sais trop quoi pour accepter. En fait, pour moi, ce mot évoque deux fonctions universelles. C'est-à-dire que ces deux fonctions, vous les trouvez dans toute société, quelle qu'elle soit. La première fonction, c'est la réception du donné. Et ce qui va caractériser la modernité, c'est le fait de penser que le donné n'a plus aucune valeur en lui-même. Et de ce fait, il ne mérite aucun respect. Ce qui va valoriser le donné, c'est exclusivement l'action humaine. Et donc effectivement, dans la modernité, qu'est-ce que c'est que le progrès? C'est la destruction de la nature et le fait de lui substituer de l'artifice, parce que c'est ça qui permet de réaliser l'humanité. Et alors, vous l'avez poussé jusqu'à la caricature, par exemple, avec l'idée d'un Kardashev, donc un astrophysicien russe, je crois des années 50, qui disait il y a trois types de civilisations. Le premier type de civilisation, on en est encore loin. L'humanité, va détruire jusqu'à la croûte et jusqu'au noyau terrestre. Ensuite, on va s'attaquer, deuxième type de civilisation, au système solaire. On va bouffer toute l'énergie du système solaire. Et type 3 de civilisation, on va s'attaquer à la galaxie. Et le physicien français qui s'appelle Gabriel Chardin fait ce petit calcul. Imaginons une horde humanoïde hein, sur une planète analogue un peu à la nôtre, mais pas la nôtre. Et puis, on prend une petite horde humanoïde et on l'affecte d'un taux de croissance de 2%. Vous savez que c'est très rare dans l'histoire, hein, les 2%. C'est une période bien déterminée et très restreinte. Eh bien, en fait, dit-il, en quelques milliers d'années, on a évidemment détruit la Terre. Et en 6000 ans supplémentaires, on a détruit le cosmos dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière, ce qui est assez confortable. Donc vous voyez très bien ce que ça veut dire ce sens 1. C'est-à-dire que pour nous autres modernes, le donné n'est que l'occasion d'expression de notre humanité, laquelle débouche sur une destructivité absolue du donné. Ça, c'est le sens 1. Et puis, le sens 2, alors évidemment, si vous naissez, je ne sais pas moi, chez les Tupi-Guarani, les Patersoui, chez les Yakoutes, c'est pas du tout l'idée que vous avez du monde. Au contraire, le donné, c'est ce qui se respecte, etc. Bon, et ça, c'est vraiment propre à la seule civilisation occidentale. Et puis, deuxième sens de spiritualité, c'est aussi une fonction naturelle. Vous n'avez aucune société au sein de laquelle on ne valorise pas une certaine forme de réalisation de soi. Alors, alors justement, chez les peuples amérindiens, la réalisation de soi, c'est le fait de se conformer à un certain nombre de règles dans la relation à la forêt, aux esprits, etc. Et là, vous voyez bien que le sens 1 et le sens 2 se recouvrent. Comme aujourd'hui, je reviendrai après. Si vous allez du côté de chez Aristote, c'est quoi réaliser son humanité? Eh bien, c'est développer ce qui nous sépare de l'animalité, la raison spéculative par les sciences, la philosophie, la raison pratique par la participation à la cité, sa sensibilité par la mise en forme réalisée par les arts. C'est magnifique, la spiritualité, selon Aristote. Et puis, vous avez les chrétiens, bon, c'est le salut, les bouddhistes, l'éveil, etc. Et nous, c'est très clair, je viens de vous le dire. C'est-à-dire que, effectivement, si notre vocation, nous, c'est consumer, c'est consommer le réel. Et pour consommer le réel, il faut que vous consommiez. Et donc, effectivement, notre spiritualité, c'est-à-dire se réaliser dans la modernité, eh bien, c'est consommer un maximum, c'est réussir dans sa vie, du côté de la consommation, etc., etc. Et donc, ça, c'est les deux sens du mot spiritualité. Et on retrouve la même chose chez nous, je viens de vous le montrer. Il y a un recouvrement entre le sens 1 et le sens 2. Et surtout, le sens 2 ne bouge jamais sans que le sens 1 bouge. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train d'émerger. On sort, si vous voulez, du paradigme mécaniste de la modernité, fin 16e, début 17e, qui fait qu'effectivement, la nature, c'est qu'un agrégat de particules mécaniques. Les hommes y sont étrangers. Ça recouvrait à l'époque la manière dont on avait fini par interpréter la Bible. Et donc, à partir de ce moment-là, la vocation humaine, effectivement, c'est de s'arracher à la nature. Mmh. Parce que les hommes sont, l'humanité est étrangère à la nature. Et elle ne peut se réaliser qu'en s'y arrachant. Et puis, entre-temps, vous avez Darwin qui nous rappelle que l'humanité, non, même si c'est un résultat de la sélection mécanique, elle fait partie de la nature. Vous avez l'éthologie qui nous montre que, finalement, il n'y a pas de différence de nature entre les êtres humains et les autres animaux. Et vous avez aujourd'hui la biologie végétale qui nous montre que, en fait, c'est le vivant en général qui a un certain nombre de fonctions. Vous avez une certaine forme d'intelligence, mais évidemment, un arbre ne va pas se planquer pour lire Kant, c'est pas le problème. Mais il va exprimer son intelligence d'une façon différente. Et donc, nous faisons un avec le vivant. Et en fait, on voit très bien arriver aujourd'hui, on voit cette tendance forte où sort de la société toutes sortes de tendances qui nous amène à renouer avec le vivant. Ça peut être la sensibilité animale, ça peut être les droits de la nature, ça peut être la sylvothérapie, c'est le retour d'une spiritualité chamanique aujourd'hui, ou de la Laudato aussi du pape François, etc., etc. Ça, c'était votre réponse à la question « Que s'est-il passé ? Comment sommes-nous Absolument. Arrivés là ?» Vous avez donc distingué ces deux types de spiritualité. Eh bien, on va se poser la question aujourd'hui de la spécificité, par exemple, de quelque chose comme la révolution numérique, dont on pense que c'est un progrès et qui peut nous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez une position plus ambivalente. Oui, écoutez ce poème de Richard Brautigan, qui est un écrivain et poète américain de la contre-culture des années 60 et 70. Il vous propose une description d'une vie possible entre les vivants et le numérique, tel qu'il existait à l'époque, et une nouvelle écologie. Écoutez-le, vous nous direz ensuite votre point de vue, Dominique Bourg. Il me plaît d'imaginer, et le plus tôt sera le mieux, une prairie cybernétique où mammifères et ordinateurs vivent ensemble dans une harmonie mutuellement programmée, comme de l'eau pure effleurant un ciel serein. Il me plaît d'imaginer, tout de suite s'il vous plaît, une forêt cybernétique peuplée de pins et d'électronique où le cerf flâne en paix au milieu des ordinateurs comme s'ils étaient des fleurs à boutons rotatifs. il me plaît d'imaginer, et ça doit arriver, une écologie cybernétique où, libérés de nos labeurs et retournés à la nature auprès de nos frères et sœurs mammifères, nous sommes tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. Connaissiez Dominique Bourg cette vision utopiste d'une écologie numérique ? Non, je la connaissais pas, mais elle ressemble à des choses qu'on voit dans la littérature écologique aujourd'hui, par exemple l'idée que on va pousser l'artifice comme un fou dans les villes, etc., mais qu'on va en quelque sorte l'éclore sur elle-même et qu'on va permettre à la nature sauvage de reprendre en quelque sorte le pouvoir ailleurs. Bah là, c'est apprendre à vivre ensemble en bonne entente. Ça oui, me donne plutôt moi les textes de Simondon, par exemple, oui, où on peut penser usage intelligent et respectueux de certaines techniques. Je dirais plus, ce qui est très beau, moi, je trouve ça très beau, même. J'y crois pas une seconde, mais je trouve ça très, très oui, beau. J'ai bien compris. C'est l'idée, si vous voulez, d'une espèce de réconciliation, en fait, par rapport à ce que j'indiquais, hein, par ouais. rapport à la modernité. C'est l'idée d'une réconciliation possible entre la pointe de nos techniques et l'amour de la nature qui se retrouve transformé en amour des machines pour nous. Bon. Alors, ce que vous montrez qui est assez surprenant et effrayant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, le numérique est en fait quelque chose d'extrêmement polluant et donc qui nuit à notre rapport à la nature, alors qu'on pourrait penser que plus on dématérialise, plus on s'éloigne de la toxicité qu'on impose à la planète. Oui, sauf que le numérique, c'est tout sauf de la dématérialisation. Alors, de façon très simple, si vous voulez, l'industrie numérique, c'est-à-dire tout ce qui... Alors, la production des terminaux, petits ou grands, les data centers, toutes les infrastructures qu'il faut, c'est en termes d'énergie, c'est à peu près 3-4% de l'énergie primaire mondiale, mais surtout du fait qu'on communique beaucoup par vidéo, avec une croissance de la consommation énergétique des différents usages du numérique, pas que l'industrie, hein, des différents usages qu'elle permet, de 9% par an, ce qui est gigantesque. Ouais. Ce qui est gigantesque, et en fait, pour faire fonctionner ce numérique, parce qu'on a besoin de le miniaturiser, eh bien, on va chercher des métaux semi-précieux, et souvent, on peut pas aller en chercher un pour lui-même. Ce sont souvent des coproduits d'autres métaux. Et donc, à un coût énergétique, hein, les activités extractives au monde, c'est 10% de l'énergie primaire qu'on y produit chaque année. Et à un coût environnemental, et social d'ailleurs aussi, qui est gigantesque. Donc, en fait, le côté immatériel du numérique, c'est une illusion. Hein, c'est du fétichisme, si on voulait parler à la Marx. Derrière, non, vous avez une surmatérialisation. Si vous aviez, je ne sais pas moi, un ordinateur classique, portable devant vous, vous auriez dit qu'il y a au moins... Il y en a un là, voilà, vous avez au moins 360 kilos de pétrole, une voire plusieurs tonnes de matériaux qui vous ont permis d'avoir ce petit appareil très léger, et c'est vrai pour chacun de nos téléphones mobiles, donc on n'est pas du tout dans une dématérialisation. Vous avez une dématérialisation finale pour une matérialisation. Mais ça, on n'en sortira pas, dans l'immédiat en tout cas. Non, non seulement on n'en sortira pas, mais je dirais même que si vous voulez, on parle justement de transition numérique comme on parle de transition écologique. Alors pour la numérique, le mot est peut-être adéquat, encore que ce qui nous arrive aujourd'hui, avec l'algorithmisation et donc l'automatisation de beaucoup de choses. Pour moi, on est dans une espèce de disruption. Si on a le temps, je pourrais en... Disruption. Oui. Bah, on n'a plus le temps, alors dites-nous disruption. Bah, très simplement, si vous voulez, c'est que... Plutôt que transition, vous proposez disruption. Oui, alors l'écologie, on devrait la provoquer. Et là, elle se provoque toute seule. Mais tout simplement, dans l'histoire, les techniques ont permis toujours une certaine forme d'empowerment. Alors, pas tout le temps de l'humanité. Hein. Si vous prenez, par exemple, la révolution néolithique, pour la quasi-totalité de l'humanité, ça a plutôt été un enfer. Mais pour certaines élites, c'était pas mal. Et donc, en fait, c'est cette idée que les techniques nous permettent de nous donner du pouvoir. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ce que permettent les techniques, c'est se substituer à certaines des tâches qu'on peut exercer. Et elle se substitue à nous, y compris à notre intelligence. Et donc là, on est vraiment dans un rapport qui est en train de changer. Et je suis assez étonné de voir le peu de gens qui veulent le voir. Certains le voient. Et là, on a vraiment affaire à quelque chose de très, très important. Et en même temps, ça ne condamne pas simplement. On peut avoir d'autres usages du numérique. Mais c'est une autre question. Donc, disruption plutôt que transition. Plutôt que transition, oui. Vous pouvez définir disruption rapidement. Bah, ici, disruption, c'est une rupture brutale. C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement, en 10 ans, on doit baisser au moins de moitié plus pour la France nos émissions de carbone, si on doit ne plus rien émettre en 2050, c'est pas une transition. C'est-à-dire, c'est extrêmement rapide, c'est violent et c'est qualitativement systémique. On change tout. Pas une transition. Ben, ce sera la fin de notre émission sur la transition, malheureusement. Merci Dominique Bourg. Merci à vous, Adèle. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez dirigé avec Alain Kaufmann et Dominique Méda un ouvrage qui s'appelle L'âge de la transition, en route pour la reconversion écologique. C'est aux éditions Les Petits Matins. Vous avez publié plusieurs autres ouvrages sur le même thème. J'en recommande chaudement la lecture et on mettra en ligne sur le site des Chemins de la philosophie la liste de vos ouvrages. On se quitte avec Nosanina de Milton Nascimento. Nosanina ore kua kua, kasai te te. Nosanina ore kua kua, nosanina tera hara ha. Olo miti miti, no tera ha kose tosa tosa. No ho tera tera, kena kia kia, neke hena hena. Ua la lo la lo, tira halo halo. Nosanina ore kua kua, kasai te te. Nosanina ore kua kua, nosanina tera hara ha. Olo miti miti, no tera ha kose tosa tosa. No ho tera tera, kema kia kia, mehe hema hema. Ua lo lo lo lo, kia halo halo. Nosanina ore kua kua, kasai te te. Nosanina ore kua kua, nosanina tera hara ha. Olo miti miti, no tera ha kose tosa tosa. No ho tera tera, kema kia kia, mehe hema hema. Nosanina ore kua kua, kasai te te. Nosanina ore kua kua, nosanina tera hara ha. Olo miti miti, no tera ha kose tosa tosa. No ha tera tera, kena kia kia, neke hena hena. Ua la lo la lo, tira halo halo. Nosanina ore kua kua. Nosanina ore kua kua, kasai te te. Nosanina ore kua kua, nosanina tera hana ha. Olo miti miti, no tera ha kose tosa tosa. No ho tera tera, kena kia kia, nehe hema hema. Ua la lo la lo, dia halo halo. Le marché contre l'humanité, c'est le titre de votre prochain livre, Dominique Bourg, qui paraîtra en octobre aux Presses universitaires de France. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on continue avec le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de féminicide. Le féminicide désigne le meurtre d'une femme en raison de son sexe. Terme de plus en plus employé, médiatisé, il n'est pourtant pas reconnu par l'Académie française et les crimes qu'il caractérise ne sont toujours pas entrés dans le code pénal français. Ni d'ailleurs sur mon traitement de texte qui s'entête à souligner en rouge le terme de féminicide quand je l'écris. Pourquoi ? Pourquoi un tel refus de genrer et de sexuer les mots et le droit ? Et en quoi est-ce une question de philosophie ? Pour le collectif Nous Toutes, il s'agit du 100e féminicide de l'année. Le collectif organisait ce soir un rassemblement pour réclamer plus de moyens contre les violences faites aux femmes. Nous, on est là notamment pour interpeller le gouvernement, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année à chaque fois qu'il y a ça, mais ça ne marche pas beaucoup. On est là pour dire qu'on en est déjà à 100, que c'est 100 de trop, et pour interpeller, pour qu'il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises vite. 100, c'est le nombre de féminicides qui ont eu lieu en France depuis le 1er janvier. 121, c'est le nombre de féminicides qu'on a décompté pour l'année 2018. Malgré ce chiffre, le terme apparu dans l'espace public choque encore certains et certaines, préférant entendre parler du traditionnel crime passionnel ou conjugal, ou attaché à la neutralité apparente de l'homicide. Pourtant, le féminicide ne date pas d'avant-hier. Il a été popularisé par les féministes Jill Radford et Diana Russell dans les années 90. Désormais reconnu par l'ONU et l'OMS, introduit depuis 2007 dans le code pénal de 18 pays d'Amérique latine, également entré dans le très officiel vocabulaire du droit et des sciences humaines et le petit Robert, le féminicide n'a pourtant toujours pas trouvé en France son cadre moral et juridique. pourquoi ? Pourquoi freiner, voire refuser de reconnaître la spécificité du phénomène qu'est le féminicide ? Pourquoi ne pas vouloir caractériser, qualifier le crime quand il a trait au sexe et au genre ? Serait-ce un choc pour nos mœurs trop lentes de baliser cet acte ? Serait-ce un gros mot pour nos langues policées ? Une entorse surtout à notre égalité tant valorisée ? Apparemment, oui, et ça, ce sont des questions de philosophie. Il faut éduquer de manière systématique les plus jeunes à la non-violence. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune citoyen ou une jeune citoyenne française, vous allez à l'école, vous êtes sensibilisé à la sécurité routière de manière obligatoire. Pourquoi on ne fait pas la même chose sur la prévention des violences ? La deuxième mesure à prendre, c'est la formation des professionnels. Quand vous voyez que vous avez des policiers ou des gendarmes qui accueillent les femmes en commissariat en les culpabilisant ou en les renvoyant chez elles alors que tous les signaux d'alerte sont au rouge, il y a un manque de formation des professionnels qui est absolument terrifiant. La troisième mesure à prendre, c'est une mesure d'hébergement. On est en France aujourd'hui en dessous des normes européennes en matière de nombre d'hébergements pour les femmes victimes de violences. Voici les trois mesures proposées par le collectif féministe Nous Toutes, éduquer, former et héberger. Eh bien, j'ajouterai celle-ci, désuniversaliser. Car voilà ce qui réunit toutes les objections ou préventions face à la reconnaissance du féminicide, l'universalité. L'universalité tant vantée, tant choyée par les droits de l'homme, par la République, celle qui serait la seule garante de l'équité, de la raison et de la justice. L'universalité, éternelle compagne donc de la philosophie. Théorie de l'homme, méditation sur le droit, réflexion sur la démocratie, toutes brandissent l'universalité comme la condition sine qua non pour proposer ce qui serait un système de pensée et d'action valide et valable. Mais qu'est-ce que l'universalité ? Le dictionnaire dit que l'universalité désigne la totalité des êtres et des choses. On a de quoi être impressionné. Il ne saurait y avoir quelque chose de plus que l'universel. Mais embrasser le tout est impossible, sauf au prix de la réduction ou de l'aveuglement. Que dire ainsi de cet universel qui ne révèle qu'un aspect des êtres et des choses, qui n'a que l'apparence d'un homme blanc, la neutralité du crime sans sexe. Qu'en totalité totalitaire, il écrase et fait écran aux particularités qui le composent. Un Grenelle, c'est surtout un moment où tout le monde s'engage ensemble. Le gouvernement, la société civile, s'il y avait, comme vous le dites, des solutions que tout le monde connaît, des solutions miracles qui permettraient d'arrêter les féminicides, on l'aurait fait, je vais vous dire. Les gouvernements précédents l'auraient fait avant nous. Mais ils ont travaillé, tout le monde a travaillé là-dessus. Mais tout le monde a travaillé, bien sûr, tout le monde a travaillé, mais avec quel résultat ? Ce bilan, ce n'est pas le bilan non seulement du gouvernement, c'est un bilan collectif de ce pays. Et il n'y a pas de solution miracle, ce n'est pas vrai. J'entends dire ici ou là, il faut faire un chèque d'un milliard. Mais Édouard Philippe l'a dit lui-même, si on fait un chèque d'un milliard et que les féministes s'arrêtent, on le fait immédiatement. Demain, on fait le chèque d'un milliard. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment ensemble on construit des politiques publiques qui soient efficaces. Aujourd'hui s'ouvre le Grenelle des violences conjugales impulsé par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous l'avez entendu, Marlène Schiappa. Celle-ci veut en tirer de l'efficacité. Une manière d'en faire preuve serait de remettre en cause l'universalité qui masque les inégalités, empêcher de les cerner et de les viser. Car comment comprendre et endiguer un phénomène quand on n'en dévoile ni le nom ni la raison ? Le droit, la langue comme la philosophie ont besoin de particularités, de singularités, de corps, d'histoires, de vie qui seules assurent une véritable égalité, rationalité et même universalité. Et oui, l'universalité elle-même n'est rien quand elle prétend être un tout sans chair. À nous donc de lui donner du relief et de la particularité, à nous de la genrer et de la sexuer. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon Delasalle avec Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Clément Dattet à la prise de son et Vincent Schmitt à la lecture des textes. Demain, on continuera notre série sur la transition après la transition sexuelle hier lundi et la transition écologique ce matin. Demain, nous parlerons de transition politique, c'est-à-dire d'adaptation. La politique est-elle l'art de s'adapter ? La philosophe Barbara Stiegler sera à ce micro pour vous répondre. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions, celles sur la transition mais aussi les précédentes. On a commencé l'année avec l'Odyssée d'Homère. Toutes les émissions sont réécoutables en ligne et téléchargeables, podcastables, pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez et les garder pour une durée illimitée. L'équipe des Chemins vous accueille et vous attend également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h donc, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.